Je traîne dans les abysses, dans près des buissons, rescapés. Toute ma vie, je porte des cuissons. Je prône trop la street, je pourrais m'y noyer. Quand j'y crèche sans payer, ni taille ni loyer. Je traîne dans les abysses, dans près des buissons, rescapés. Toute ma vie, je porte des cuissons. Je prône trop la street et je m'y noie. Tellement vite, à quoi bon, nager trop la quoi bon, nager trop la quoi bon. Ça y est gros, je crois que j'ai perdu l'inspi, abusé. Chaque jour qui passe nous mène au casse-pipe, on casse-pipe. Pile ou face-pile là, allez tire sur la corde fumier. Erreur de casting, les gars se disent c'est des casse-type. Une bouteille à la mer et chante encore comme des castings. Roi de quoi style, pas de castile. Rime, balance les pastilles comme des gatlings. C'est pour mes gars cleans qui n'ont qu'une parole. Les acquis, frères de maquis, ceux qui maquillent leur âge. Un sourire en coin qui s'active. Et même dans l'ombre car c'est pas divin. Joue à l'arrière, t'auras pris les devants. Dorénavant, arrête de dire que c'était mieux avant. Dorénavant, j'ai le don qui choque les moulets avant. Dorénavant, plus donc plus choque, y'a plus rien à vendre. F.A.K.A.Y.E. Son combat, ça a l'air bête, c'est pas pour ça qu'on parlait de brèche. Vu que ça compare l'écart d'espèce, ça cherche une place comme Gareth Bale. Sors de nulle part, pas question de feindre, Dieu t'es l'encre. Rap aveuglément, en sous-marin, j'pense pas à jeter l'encre. Parcours sans faute, anticipe pas l'ampleur de la gronde. J'connais pas grand chose, mais tu vois ce que j'veux dire quand j'te le raconte. A toute épreuve, fut la panique, qui sortent les violoncelles. Dans la brume solide, la plume se lie avec le pilon de Zeb. Les crocs d'un hydre, trop naïf en grattant steak. Même l'estomac vide, j'suis de ceux qui gagnent pas, de ceux qui battent en retraite. J'ai du créqui, élan de sagesse, perdu, j'm'accroche. Sur ma tête, bien plus crédible, même en Marcel Bermuda Crox. Un casse-tête, j'ai plus que l'approche, faut un temps mort, j'ai vécu de sale drame. Si le game, c'est le Mordor, j'suis le Grand Nord avec une hallebarde. Genre angoissé, note les projets, j'en ai pas fait le quart. J'me remplaçais, j'en ai croché, j'pensais braver le cadre. Si mon inspi manque, c'est que les jours sont bons. La vie est pleine de leçons et ses cours sont longs. C'est pas leurs faux compliments qui me rendront lourd dans le son. On entend ce qui nous intéresse, on n'est pas sourd dans le fond. On s'épanouit dans un monde où y'a trafic d'enfants. Où l'infirmière se fait piétiner par le flic d'en face. Le diagnostic est établi, mais je crois qu'on crie dans le vent. Ta clique, leur clan, matraque, gaz et bris de glace. L'inspi revient quand je crois capter ce qui se passe. La quenelle passe toujours mais elle ne glisse pas. La routine coupe la peau du cul dans leur pub, on l'affiche pas. Gars, je me suis même payé une pédicure au fiche spa. C'est qu'on va bien en fait. Ma plume est triste quand mon cœur est en fête. Pour lui rendre son sourire, je prendrai pas des enfêtes. Non, je prendrai pas 10 enfermes, mais je ferai pas de mise en scène. Je traîne pas sur macadam, Paris la nuit ça devient Paname. Je claque des bises à mon équipe comme si on vivait en Calabre. Je parle à la lune, dans la hurle, je demande la barre. J'elle de l'ex comme un bavard, je l'air son but comme un cavard. Sur mes poteaux comme bavard, toujours épris de l'envie d'écrire. Naviguer dans ma vie, les pires, les chiro prend des billes, les petits. J'essaie de guider les petits, mais je trime. Ouais, l'espoir a fait faux bon entre les noms, dit les faux bons. Agir devient l'idée directrice. Les années filent, le film épuise. Faut que je garde la rage de vivre avant que j'arrache les pages de ce livre. Ressentir ce que mon âme devine. On fait pas de la musique de film, non, non. Élève tes pensées, respecte les anciens, réveille tes sensés. Remballe tes prothèses auditives, moi je suis le gardien du temple. Musique cognitive. Chaque rime se doit d'avoir du sens. Chaque acte est politique, ma plume porte la mémoire du temps. La ponction au sample, all in fizz. Mon pote, il va y le avoir rêve de du vie paisible, mais la peur, la street au calme. Ma street, mon canne de petit plaisir que l'on a pris. La street au calme, à croire que tout est rassemble. On le fera quoi qu'on en dise, tant que le fracas qu'on en dit, sera la proie nous terrassant. Donc tu t'en crates des 16, tes pensées automnales. Comment épargner les occupants quand ces autres ont mal. Et vu que tout est inévitable, faudrait que la paix se négocie. Elle est vitale, quand la douleur de la plaie de ce mec aussi. On reste des bouts en train, on s'inflige des sentences qui mènent à s'afficher sans clan. On parle plus des gouttes en train, on fait des rêves, nos pieds à terre. Tant pire, on s'en persuade, c'est vrai que ça nous t'en persuade. Mais fais-nous des lopettes à terme. On fuit la psychiatrie pour finir calfeutré, affublé par les cicatrices. Elles sont que la fumée dans tous les calfeutrés. À trop côtoyer les abysses, on dort près des plus sombres, escapés. Toute ma vie, je porterai les cuissons. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire. Une cicatrice est plus efficace qu'un tatouage. Rire au sanglotant quand on a trop bu. Sexy pétard et le fou rire viennent tout comme je le cafard. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire. Une cicatrice est plus efficace qu'un tatouage. Rire au sanglotant quand on a trop bu. Sexy pétard et le fou rire viennent tout comme le cafard. Réalité, réalité, réalité. Réalité, réalité. Réalité glacée. Réalité glacée. Réalité glacée. Réalité glacée. Réalité glacée.